Sur France Bleu, tous les samedis et tous les dimanches, on retrouve Jean-Michel Maman des Guides Balado. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, bah ça va, puisque vous allez nous donner envie de sortir, de découvrir et d'explorer la France avec une nouvelle idée. Et aujourd'hui, on va partir dans le Limousin, pas très très loin de Guéret. On va aller faire du canoë-kayak, mais il y a une petite particularité. Oui, on va aller faire du canoë-kayak sur le lac de Vasivière. Oui. Jusque-là, c'est sympathique, oui, mais pas spécialement original. Mais là, c'est une sortie by night, donc canoë-kayak la nuit. Avec des petites lampes de poche, avec des lampes sur le casque, comment ça marche exactement? Alors non, c'est pas une randonnée spéléo sur l'eau, ça, ouais. Pas tout à fait. En fin de compte, vraiment l'originalité de cette balade, c'est le fait que c'est une sortie nocturne qui permet non seulement de profiter de la navigation de nuit, mais aussi et surtout de repérer les constellations. On va voir les étoiles, on va lever la tête dans les cieux, c'est ça, et on va pouvoir voir la grande ours, la petite ours, enfin tout ça. Absolument, et pour voir aussi tout ça, et pour ne pas trop se tromper, hein, au milieu du lac, il y a Cyril qui va équiper vos pagaies de lucioles. Il appelle ça des petites lucioles. En fin de compte, ce sont ce sont ces petites diodes qu'utilisent les pêcheurs, et elles sont donc fixées aux pagaies. Donc en plus, c'est très très joli à voir, et les canaux glisse sur l'eau. Mais on est plusieurs, on se suit comme ça à la queue leu leu, il y a 4-5 canoës-kayak, on peut partir en toute sa famille. Comment ça, vous voyez ce que autant, je veux dire ? Autant qu'il y a de participants finalement, ouais. Mais ça peut se faire aussi en tout petit groupe, sans problème. Est-ce que le canoë-kayak c'est dangereux ? Est-ce que c'est rythmé ? Vous voyez, est-ce qu'il y a des cascades à dévaler, tout ça ? Pas vraiment, parce que nous sommes sur un lac. Ah, donc oui. Y a peu de chance. Ah oui, donc là c'est très très calme, on va s'endormir alors. Non, on s'endort. C'est la nuit, c'est à la belle étoile. 6h du mat, on rame. Ça rame, c'est ça. Ouais. C'est très romantique comme sortie. Sympa. Ah oui, c'est très romantique, vous sortir à deux, il faut y aller à deux. Hein. Et en plus, on ne s'endort pas puisque toute la balade est rythmée par le chant de batraciens et autres chouettes hulottes qui nous accompagnent. Et c'est vrai que c'est très sympa pour apprendre... La nature, la faune, la flore. Aussi, la faune, la flore, mais aussi et surtout les étoiles, puisque Cyril vous explique tout ça avec une tonne de petites anecdotes. Et c'est vraiment très très sympa comme balade à faire. C'est vous notre bonne étoile, c'est vous notre guide, Jean-Michel. Bien entendu, si on veut en savoir plus sur cette sortie. Donc ça se passe dans le Limousin, c'est ça ? Dans quel endroit exactement ? À Royères de Vasivière, donc c'est dans la Creuse, à 70 km environ de Limoges. C'est une idée de sortie de Jean-Michel et des guides balado. On retrouve tout cela sur francebleu.com. On peut même podcaster cette chronique. Puis bien entendu, on peut en savoir plus sur votre site internet, c'est balado.fr. Tout à fait. À la semaine prochaine, merci. Merci.